بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة الله والله. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية. الدعوة السلفية باليمن. أنا بليزير دو بريزونتي. شرح تلخيص صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. Cours dispensé en direct de InSpeak par Abu Yusuf Abdullah Al-Aji. Hafizahullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a tharahum wa ktafa. Amma ba'da fa inna asdaq al-hadithi kitabullah wa khayru hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc avant de commencer, on tenait à s'excuser par rapport aux absences qui se sont répétées. Et inshallah, on va essayer de rattraper donc les deux cours qu'on a loupés, histoire de ne pas prendre du retard, car normalement on aurait pu conclure le vendredi à venir, ce qui reste vraiment très peu là. Et ce qui est à venir, ce sont des mas'alas dans lesquelles il y a très peu de divergences. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, le prochain cours vendredi et dimanche, inshallah, on essaiera de conclure cet épître, bi'idhnillah azza wa jal. Et ensuite, inshallah, on verra, on se concerte par rapport au livre qu'on prendra pour continuer notre série d'études dans la jurisprudence. Tout en laissant un temps pour pouvoir réviser et faire une espèce de petit examen. Donc, Inch'Allah, tabaraka ta'ala, on commence la révision du cours précédent dans lequel on avait pu évoquer tout ce qui est en rapport avec les formules qui doivent être observées pendant At-Tashahhud. On peut voir que at-tashahhud, ce qui est voulu par là, at-tashahhud, c'est de dire at-tahiyyatu lillah ila jusqu'à l'attestation de la prophétie. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. On peut voir pour cela, il y avait plusieurs versions. Premièrement, quel est le jugement de ce at-tashahhud là, c'est-à-dire de commencer de dire at-tahiyyatu lillah jusqu'à l'attestation de la prophétie. Quel est le jugement de cette formule là? Non, cette formule là uniquement. Si vous vous rappelez, non, le fait de varier, c'est la sunna. Lakin, le fait de dire cette chose-là, ça, on avait dit, si vous vous rappelez bien, c'est une obligation. Car le Bissoum me dit faqoulou. Il a ordonné. Il a ordonné cela. Donc, le fait de dire cela jusqu'à. Donc, on peut voir, ça, c'est une obligation. C'est une obligation. Qu'est-ce qu'il en est pour la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? On peut voir que les ulama, ils ont divergé sur le fait, est-ce qu'il était possible d'évoquer cette formule-là dans le premier tashahhud. Vous pouvez voir que, comme on va le voir aujourd'hui, inshallah, ils sont tous unanimes que tu peux le dire dans le deuxième tashahhud. Amma le premier tashahhud, il y a un ikhtalafoufi. Et on avait pu juger et trancher dans cette mas'ala-là que la vie prépondérante c'était quoi? De l'évoquer ou pas l'évoquer? Oui, on pouvait le dire, tu peux le dire. Et le dalil qui nous prouvait cela, c'était lorsque le hadith Aïcha, si mes souvenirs sont bons, selon Abu Awana, dans la description de la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il avait prié 8 rak'a d'affilée, ensuite après la 8e rak'a, il s'est assis, il a fait tashahhud. Et dans ce tashahhud là, il a fait la salat sur lui, il a prié sur lui-même, c'est-à-dire il a fait la salat sur lui. Et dans le deuxième, ensuite il s'est levé, il a fait la 9e unité de prière, et kadalika, il a fait tashahhud, et il a fait yani as-salat salla ala nafsihi, il a prié sur lui, et ensuite il a fait les doigts. Donc ce hadith là, il nous prouve que il est légiféré de faire cela. Quel est le jugement du tashahhud dans le premier, plutôt je veux dire de la salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le premier tashahhud? Est-ce une sunna ou bien une obligation? On a pu voir, c'est une sunna. Et la sunna dans le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu pries de temps en temps, et de temps en temps tu le délaisses. Comme on a pu le voir, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a posé une question à un des sahaba dans la manière dont il priait, ou plutôt la manière dont il faisait le tashahhud, il a dit qu'il faisait ceci et cela sans évoquer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait je demande le jannah, je prends le refuge auprès d'Allah azza wa jal contre l'enfer. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est autour de cela que yani, nos tashahhud y tournent, c'est-à-dire de se protéger de l'enfer et de demander le jannah, sans lui évoquer dans ce moment d'enseignement de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous prouve que le fait de délaisser, tu as tout à fait le droit de le faire de temps en temps, mais kadhalika, dans certaines versions ça n'a pas été évoqué. Et donc la sunna wa alam, c'est que tu as le droit de le faire comme tu as le droit kadhalika de le délaisser. Quel est le jugement de faire des doigts après après le tashahhud? Dans le premier tashahhud, c'est quoi le jugement de faire des doigts? Kadhalika, c'est préférable. On avait pu évoquer un hadith, il y a des hadiths qui sont âmes, et un hadith, il y a Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il est évoqué de manière générale que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait le tashahhud, thumma qala, thumma yatakhayyar min ad-du'a masha'a. Et ensuite, il a le choix d'invoquer Allah azza wa jal après qu'il ait fait le tashahhud. Tamam. Même dans ce hadith-là, on peut voir que tu peux délaisser de temps en temps la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce qui est ma'ruf, ce qui est voulu par tashahhud, c'est de dire atahiyatulillah ila wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Donc là, il n'a pas évoqué la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit après le tashahhud, il a le droit et il choisit les doigts qu'il préfère, dans ce moment-là. Donc là, c'est un texte qui est ram. Donc on ne peut pas se permettre de restreindre ce texte-là à un tashahhud parmi les tashahhud seulement par un dalil. À partir du moment que la mas'ala elle est exempte de dalil, il n'y a rien qui nous prouve que c'est le dernier tashahhud ou bien le premier tashahhud. Donc on laisse le hadith qui est âme, on laisse le hadith tel quel et on l'applique à chacun de ces tashahhud car il est âme. Et on a pu voir que Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il avait évoqué dans Silsilatul Sahiha un hadith dans lequel il est plus explicite que le premier évoqué, dans lequel il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إذا قعدتم في كل ركعتين يعني فقولوا التحية لله إلى آخره ثم في آخر الحديث ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. Donc ce hadith là évoqué par Cheikh Al-Albani et authentifié par lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à chaque fois que le abd, le serviteur, s'assoit après deux unités de prière, il doit faire le tashahhud et ensuite il choisit parmi les doigts qu'il veut. Donc ceci nous prouve que le premier tashahhud, tu peux faire kazalika des doigts parce que c'est conforme au texte par rapport au fait que le premier tashahhud, ta mamie survient après que tu aies prié deux unités de prière. Donc ce hadith-là, il est wadih, ta mamie, il est explicite. Donc comme l'a évoqué le participant 85, c'est que c'est préférable, ta mamie, c'est préférable de le faire. Ensuite, on avait pu évoquer les divers manière de pouvoir prier sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et que kazalika, c'est comme un tashahhud. La sunna, c'est que tu varies. Celui qui a la capacité d'apprendre, et c'est ce qu'on s'exhorte de faire, les différentes manières de pouvoir varier, c'est très bien, inshallah, et c'est mieux, car la sunna elle est venue pour que, dans ce moment-là, la salat sur le prophète, alayhi wa sallam, soit variée de temps en temps et non pas de toujours observer la même manière de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y avait qu'à l'écran, on avait pu voir que ensuite il doit faire ce qu'il doit faire comme dans les autres unités de prière. Et parmi les jugements que, nouveaux qu'on a pu voir, à quel moment est-il légiféré de faire le takbir lorsque la personne se lève après tashahhud? Lorsqu'il se lève pour aller à la troisième unité de prière, à quel moment il fait takbir? Non, quand il est debout, on a pu voir un hadith qui est explicite sur cela, rapporté par l'imam Abd al-Razzaq, par une chaîne de transmission qui est vraiment simple. Tamam. قال حدثنا ابن جريج عن نافع نعم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أو كان لا يكبر حتى يستوي يعني القائما. Le prophète عليه الصلاة والسلام il faisait le takbir lorsqu'il était totalement debout. Donc ceci nous prouve vraiment, et c'est un hadith qui est explicite, que tu as c'est légiféré de faire cela quand tu es debout. Et كذلك, comme nous l'a fait part à Cheikh Mohammed ibn Hizam, hafizahullah ta'ala, qu'il y a des hadiths, ou plutôt il y en a les personnes qui le font lorsqu'ils sont assis, comme l'a exhorté Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et كذلك, il n'y en a pas blâmables, car il y a des textes qu'il y a dans lesquels tu peux avoir cette compréhension-là. Surtout dans lesquels, dans des hadiths dans lesquels il est évoqué qu'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y en a une kabbir le hadith, je l'ai un peu oublié, qui faisait le takbir au moment où il voulait se lever, même au moment où il se levait. Donc ça montre bien que c'est pas lorsqu'il était debout, au moment où il se levait. Donc ce qui est ce qu'on peut voir à travers ces textes là, c'est que wallah alam kadhalika, il est possible de faire ça quand tu es assis. Il n'y a pas la personne n'a pas à critiquer l'autre parce qu'il a fait le takbir debout ou bien il a fait le takbir assis. Chacun des textes, il y en a dans lesquels, ou plutôt il y a un texte qui est explicite, et un autre texte, il y a un texte dans lequel tu peux comprendre que tu peux faire cela assis. Et comme on a pu le voir, takbir, c'est-à-dire plutôt de lever les mains, c'est légiféré, comme on avait pu le voir il y a auparavant. Soit tu le fais au moment où tu fais le takbir, avant le takbir, ou bien après le takbir. Ensuite, le reste, il y en a des jugements qu'il a pu évoquer. C'était des choses qu'on avait déjà vues. Donc voilà en gros ce qui avait contenu le cours de la semaine dernière ou plutôt le cours précédent. Donc inshallah tabaraka wa ta'ala, aujourd'hui on rentre dans un nouveau cours. On a Allah subhanahu wa ta'ala l'ihana. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال المؤلف ورحمه الله تعالى القنوت للنازلة ومحله. Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى évoque dans cet épître le chapitre du Al-Qunut للنازلة, c'est-à-dire au moment où descend une épreuve yani sur les musulmans, et l'endroit où il doit être fait le qunut. Le qunut, comme on va le voir inshallah, avant tout yani dans la langue arabe, dans le sens linguistique yani le al-qunut, c'est un terme qui est utilisé pour différents sens. Ça a été évoqué par l'imam al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi Fath al-Bari dans son charh de Sahih al-Bukhari. Il a évoqué que le qunut, au point de vue linguistique, c'est un terme qui peut être utilisé pour différents sens. Tamam. Il est utilisé pour l'uzum al-ta'a, c'est-à-dire d'observer l'abnégation dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Comme a dit subhanahu wa ta'ala fi Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Donc Ibrahim, certes Ibrahim, était une umma, c'est-à-dire une communauté en lui, à lui-même, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et il avait de l'abnégation dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est qu'il se sacrifiait et qu'il observait cet assidu. Il était assidu dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est un sens parmi les sens du qunut. Le deuxième sens, c'est le fait d'observer l'humilité. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, « Wa qumu lillahi qanitin » et tenez-vous debout devant Allah Azza wa Jal, qanitin. Parmi les sens kazalika du qunut, c'est al-qiyam al-tawil, le fait de se tenir debout et de marquer un temps d'arrêt qui est long, debout. Comme on dit, « Su'ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam, عن أفضل صلاة قالوا يا رسول الله أي صلاة أفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم طول القنوت Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur quelle est la meilleure des prières. Il a dit c'est celle dans laquelle il a observé le fait de se tenir debout longtemps. Tamam. Et le hadith là il est authentique. Ma'aruf, il y a une fi riyadu salihin et autres. Lakin, ce qui évolue ici dans l'épître, c'est le fait de faire des du'as à partir du moment où se corse un peu la situation des musulmans. Tamam. Ce qui est voulu par là, c'est le faire des du'as lorsque se corse et devient la situation des musulmans, yani, elle devient très dure. Tamam. À partir de ce moment-là, comme on va le voir, Inch'Allah, il est légiféré de faire une chose qui s'appelle le qunut. Et on va voir, Inch'Allah, à quel moment on le fait, qu'est-ce qu'il doit dire, quel est le jugement, et la akhirihi, bi'idhnillah azza wa jalla. Ce qui est voulu par An-Nazila, c'est l'épreuve qui touche yani la globalité des musulmans. Tamam. Une épreuve qui touche la globalité des musulmans. Et il faut savoir que le musulman, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان. Le mu'min, il est face à son frère mu'min, ils sont tels qu'un édifice. إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. Lorsque un membre de son corps souffre, c'est tout son corps qui souffre. كذلك المسلم. Son frère musulman, le musulman, il souffre pour son frère musulman. Même si jamais il ne lui est pas affligé directement la dureté ou bien la difficulté que ressent son autre frère musulman, lakin il doit ressentir cela à travers ce hadith-là, car le musulman sont tels à un édifice. Donc ce n'est pas forcément si jamais lorsqu'on parle de ça touche la globalité des musulmans, que ça doit toucher la totalité. Lakin à partir du moment où ça, yani, une partie des musulmans, des mu'mines, yani, subissent une épreuve, à partir de ce moment-là, il est légiféré de faire cette chose-là qui s'appelle le qunut. Car lorsqu'ils sont affligés, kazalika tu es affligé. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. La foi de l'un d'entre vous ne sera pas complète qu'à partir du moment où il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui. Tout le monde aime pour lui la paix. Tout le monde aime pour lui le salut. Vivre en paix. Adorer Allah Azza wa Jal sans être dérangé. Fait kazalika, le mu'min doit l'aimer pour son frère mu'min. Et là, on parle de l'islam. Même si jamais on sait que dans l'islam, il y a plusieurs sectes, là, il y a une chose qui nous réunit, c'est quoi ? À l'islam. Tant que ce frère, cette personne-là, est dans l'islam, il a des droits qu'il lui revient et qu'on doit observer sur cette personne-là. Et parmi ces choses-là, de souffrir lorsque ton frère souffre. Et par rapport à l'actualité, yani, qui touche nos frères en Palestine, yani, il est légiféré pour eux, comme on va le voir, inshallah, de faire des du'as dans les salawat. Car à un moment, il y avait une trêve, et ensuite ça a repris, et la khiriri. À partir du moment où la difficulté yani, ça durcit assez pour ces personnes-là, on doit au moins, parmi la chose yani, qu'on possède, c'est-à-dire au moins faire des du'as pour nos frères. Et surtout, Yanné, dans le Qunut. Car c'est une chose qui les touche et qui nous touche aussi. Kazalika, car on est un édifice. Donc il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier Kazalika, les ennemis, qui s'efforcent de faire subir l'amertume à nos frères en Palestine, en parlant des Yahoud et ceux qui sont avec eux, ceux qui sont d'accord avec eux, ceux qui approuvent ce qu'ils font, ceux qui gardent le silence. Il n'y a qu'à regarder le silence dans ces moments-là, c'est comme approuver. Car comme c'est ma'rouf dans Al-Shara, As-Sukut fi mahal al-Inkar, Iqra. Lorsque tu gardes le silence dans un moment où il est réprimandable, tamam, c'est comme si jamais tu approuvais cette chose-là, ce blâmable. Donc toutes ces personnes-là, kaza, les gars, tous ceux qui observent l'entraide avec ces mal'ounines, ces maudits, qui n'ont que passion et occupation de faire subir l'amertume aux musulmans de manière générale, il ne faut pas les oublier dans les du'as, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les anéantisse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite une issue favorable à nos frères en Palestine et autres contre l'adversité et l'hostilité de ces juifs. Car ces ma'rouf, ces personnes-là sont des personnes qui, à travers l'histoire, ne cessent de nuire et vouloir nuire à l'islam. Ils ont eu un mauvais comportement, une mauvaise conduite avec Allah Azzawajal. Kaza les cas avec les Anbiya, les prophètes. Ils ont tué une multitude d'Anbiya. Il y en a pour eux déverser le sang de ceux qui sont envoyés par miséricorde pour l'univers. C'est une chose qui est vraiment, yani, qui est simple chez eux. Donc que dire, yani, alors des musulmans en dehors du rang des prophètes, leur sang ne vaut pas cher auprès de ces maudits-là. Wa ma'ruf fi kitabillah subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, l'hostilité et l'adversité de ces maudits-là. قال سبحانه وتعالى لتجدن شد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Tu trouveras parmi les personnes qui auront le plus d'hostilité envers les musulmans, c'est les Yahoud et les associateurs. Et معروف حتى اليهود, يعني ils ont atteint un stade de la criminalité et autres que n'ont pas atteint les associateurs, car ils ont déversé le sang des prophètes. Ils ont dénigré le prophète, ils ont dénigré Allah Azzawajal en le qualifiant d'avare. Yadullahi mahloula kama qalu. Ces personnes-là sont des personnes d'une conduite vraiment très basse. Et c'est, tu t'étonnes pas, yani, après que tu entendes, yani, qu'ils pratiquent une telle criminalité face à nos frères en Palestine et autres. Et kadhalika, Allah Azzawajal, il a créé l'enfer et le paradis. Et il a créé le paradis. Dans le paradis, il y en a plusieurs, de plusieurs degrés. Al-Firdaus al-A'la, pour ceux qui ont sacrifié leur vie à adorer Allah Azzawajal, ils auront les plus hautes demeures dans le paradis. Ensuite, tu as un niveau plus bas, al-Akhiri. Kaza les cas l'enfer. Al-Dark al-Asfal min al-Nar, le plus bas des paliers de l'enfer. Fait Allah subhanahu wa ta'ala, il a réservé kadhalika à ce palier plus bas, palier de l'enfer, des gens qui vont rentrer. Et ces personnes-là, tout comme au même titre de ces personnes, ou plutôt des mu'mines qui vont rentrer en enfer, au Jannah, dans le Firdaus al-A'la, dans les hautes demeures, il faut qu'ils fassent des œuvres qui correspondent à ce que la miséricorde d'Allah azawajal vont leur ouvrir la porte du Firdaus. Wa kadhalika, ceux qui leur destin est réservé à finir dans les plus bas bas-fonds et les plus bas paliers de l'enfer. Kazalika, il faut qu'ils fassent des actes d'une haute criminalité afin qu'ils puissent rentrer dans la colère d'Allah Azzawajal de manière éternelle dans les plus bas bas-fonds de l'enfer. Donc lorsque tu vois ces choses-là qui sont yani, vraiment d'une criminalité, le nombre de tués en Palestine, il a dépassé même, selon les journaux, plus de 1850 morts. Et non pas des blessés, qui sont comptés à plus de 10 000. Plus de 10 000. Et ça, c'est ce qui est évoqué. Wallah alam, officiellement, si jamais ce n'est pas, beaucoup plus. Car ces gens-là ne respectent rien. Hatta, ils ne respectent pas les périodes dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il légifère pour les gens de retourner à Allah Azzawajal, comme c'est le cas de Ramadan. Les gens, ils ont une dévotion et plutôt un retour vers Allah Azzawajal, et cela ne trouve que le fait de gêner ces personnes-là en leur empêchant de pouvoir adorer Allah Azzawajal dans ce mois béni qui est Ramadan, qui était Ramadan. Donc ces personnes-là qui sont promis au plus bas bas-fond de l'enfer, Naboud, c'est obligé qu'ils fassent des œuvres d'une haute criminalité. Donc rien d'étonnant que ces gens ont une pratique et ils font subir à nos frères ce genre de choses-là, car il faut que, pour qu'ils rentrent en enfer, dans le palier le plus bas de l'enfer, qu'ils fassent des actes criminels que l'humanité il témoigne yawm al-qiyama que ces personnes-là ont fait. فَنَسْأَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُهَلِكَ وَيُعَجِّلْ بِهَلَكَ هَوَلَ الْيَهُودِ وَيُذِيقَهُمْ الْمَرَارَةَ فِي حَيَاتِهِمْ وَيُدَيِّقَ عَلَيْهِمْ. On demande à Allah Azzawajal qui empresse l'anéantissement de ces gens-là et qui facilite à nos frères une issue favorable afin de pouvoir respirer de l'oppression de ces maudits. Donc dans ces moments-là, comme c'est le cas pour nos frères qui sont en Palestine, ou plutôt yani, kazalika ceux qui sont en Palestine, ceux qui sont en dehors de la Palestine. Comme c'est ma'rouf, on n'a pas le moyen de pouvoir yani, eux n'ont même pas le moyen de pouvoir en sortir, donc comment pouvoir rentrer pour pouvoir les aider et les sortir de cette épreuve dans laquelle ils sont. Donc yani, aqal shay, la moindre chose, c'est qu'on ne les oublie pas dans nos doigts, dans les tiers de nuit, dans nos soujouds, les personnes qui font le siyam, comme on avait pu l'évoquer la dernière fois, les femmes et les orphelins qui n'oublient pas le droit qu'Allah azawajal, il leur a donné la faveur, c'est-à-dire que par eux vient le secours et la subsistance. Donc ils n'oublient pas de faire les doigts, de lever les mains entre l'adhan et l'iqama. Et tous les, lorsqu'il est en safar, lorsqu'il est en voyage, tous les endroits dans lesquels Allah azawajal, il a décrété qu'il va répondre à l'appel de son serviteur lorsqu'il appelle, de ne pas faire preuve d'insouciance et de ne pas oublier nos frères, et qu'à les cas de, aux imams des mosquées de, d'établir cette sunna qu'on va voir qui est Al-Qunut, faire des doigts lorsque la situation devient dure pour les musulmans. Qala Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, قال ويسن له أن يقنط ويدعو للمسلمين للنازلة نزلت بهم. Il dit Cheikh Al-Albani رحمه الله تعالى, donc il est légiféré de faire ces choses qui s'appellent le qunut, des doua, comme on va le voir inshallah après le recours de la dernière unité de prière pour les musulmans. تمام يدعو للمسلمين للنازلة نزلت بهم. Ils font des doua afin que Allah subhanahu wa ta'ala lève l'épreuve qui les ont touchés jusqu'à ce que cette épreuve-là, yani, naham soit levée. Et comme on va le voir, à travers la sunna du prophète, alayhi wa sallam, comme cela a été évoqué dans le hadith Abu Hurayra, radiallahu ta'ala anhu, que c'est légiféré de faire cela pour toi lorsque yani, une épreuve, c'est-à-dire lorsque l'épreuve a touché ta communauté, la communauté dans laquelle tu vis, ou bien lorsque cette épreuve-là l'a touché une autre communauté. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa إذا أراد أن يدعو يعني في القنوت لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع. Le prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il voulait faire des doigts pour des membres de la communauté ou bien de faire des doigts contre une autre communauté, il le faisait après الركوع. Donc là c'est légiféré comme on voit dans ce hadith là et comme on voit كذلك, on va le voir inshallah dans la sunna du prophète والسلام, il a fait des doigts pour lui lorsque la situation était devenue dure, et Kadalika, à travers ce hadith-là, il a fait des doigts pour une autre communauté. Même, il a fait des doigts pour une autre communauté, comme on va le voir, inshallah, à travers d'autres hadiths, dans lesquels il disait Nabi Sallam, Allahumma anji al-Walid ibn Walid, wa salamata ibn Hisham, wa Ayyash ibn Abi Rabi'a, wa al-mustalafina min al-mu'minin, yani fait Mecca. Nabi Sallam, il faisait des doigts pour les gens de Mecca. Et Kadalika, il a fait des doigts lorsqu'ils avaient tué un groupe de sa communauté qui était connu par Al-Qurra. Il a fait des doigts sur ces personnes-là. Un mois complet, sans s'arrêter, dans chaque prière, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des doigts contre ces personnes qui avaient tué ses lecteurs, ses récitateurs. Donc il est légiféré de faire le qunut à travers ce hadith-là, lorsque l'épreuve te touche, ou bien lorsque l'épreuve a touché un membre de notre communauté, comme c'est le cas de nos frères en Palestine, dans lequel auquel on demande à Allah Azzawajal qu'il leur facilite une issue favorable de l'épreuve dans laquelle ils sont et qu'il leur fasse miséricorde. Quant au jugement de Al-Qunut, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, Yusan. Lorsqu'il dit Yusan, c'est-à-dire que c'est une sunna. Donc il est recommandé, fortement recommandé de faire cela. Il est fortement recommandé de faire cela. Car le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ne l'a pas ordonné, lakin il l'a fait. Et comme on a pu le voir à travers Sifat al-Salah, même que le premier degré dans les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait une chose, c'est que tu juges de quoi que c'est une recommandation à partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve que qu'elle est une obligation. Wa hadith yani anas yani yadul ala dhalika anna nabiy sallam qala qannat an-nabiy sallam shahran yaduhu ala ri'lin wa dhakwan. An-nabiy sallam il a fait le qunut un mois complet en faisant des doigts sur une tribu qui s'appelait Ri'alin wa Dakwan. Donc ceci nous prouve qu'il l'a fait, donc le fait qu'il fait, ça nous prouve la recommandation. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon exemple à suivre. قال رحمه الله تعالى ومحله اذا قال بعد الركوع ربنا ولك الحمد. Et nous dit, quant à l'endroit dans lequel il est légiféré de faire cela, c'est lorsqu'il revient du ruku'. Et ce qui est voulu par ruku' ici, c'est le ruku' de la dernière rak'a. C'est même la dernière rak'a que tu fais, que ce soit deux unités de prière ou trois unités de prière ou bien quatre. La dernière unité de prière après le ruku', lorsque tu as dit Rabbana lakal hamd, ou comme on a pu le voir, Rabbana walakal hamd, ou bien Allahumma lakal hamd, ou bien Allahumma walakal hamd, il t'est légiféré de faire le qunut à partir du moment où tu veux faire des du'a pour une communauté parmi les musulmans lorsqu'ils sont affligés par une difficulté. Donc ce endroit qui est légiféré pour cela, c'est le faire après al-ruku'. Et le hadith qui prouve cela, il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou il y a un nabi sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhu, قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخرى من الصلاة من صلاة الظهر صلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه dans ce أثر لا il disait je vais vous montrer la description et la manière dont faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il faisait le qunut. Donc dans la dernière unité de prière, des prières de dhuhr, de l'isha et kadhalika du subh, il faisait ce qunut là après qu'il disait sami Allahu liman hamida, c'est-à-dire lorsqu'il se levait du ruku'. Et ensuite il a fait des du'a pour les mu'min et il a maudit les kafirin, il a maudit les kuffar. Donc ce hadith là nous prouve que ce qu'il a fait, il l'a attribué au prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et le fait d'attribuer une chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Ça fait partie des sunnans. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد يدعو لرجل فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم إنجي الوليد بن وليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستعرفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على مدار وجعلها عليهم سنين كسن يوسف. نعم. Donc dans ce hadith là, Abu Hurayra nous fait part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est muttafaqun alayhi, tamam. Tous les hadiths que je vous ai évoqués, afwan, j'ai oublié d'évoquer le degré d'authenticité de ces hadiths là, ce sont tous des hadiths qui sont muttafaqun alayhi dans Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith là évoqué précédemment, et yani Anabi sallam, ou plutôt Abu Hurayra, il nous fait part que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le qunut, il faisait après qu'il ait levé sa tête, lorsqu'il disait Samir Allahu liman hamida rabbana kalham, c'est-à-dire après al-ruku'. Et comme on a pu voir dans le athar précédent, c'est-à-dire dans la dernière unité de prière. Et ensuite, il nommait des personnes sur lesquelles il faisait des du'as contre eux, et des du'as yani pour eux, dans lesquelles il a évoqué yani certaines personnes parmi les mu'mines, dont il a demandé à Allah azawajal, qu'Allah azawajal leur vient en secours, et que il afflige une difficulté au peuple de Mudar, qui est un peuple yani, qui était à l'époque yani, du côté de l'Irak, et qui leur fasse subir la disette, tamam, c'est-à-dire des périodes yani, sèches dans lesquelles il n'y a aucune récolte. Donc ce hadith-là, il explicite dans lequel Anabi Sussam, il a fait cette du'a-là, le qunut, après qu'il s'est levé du ruku'. Donc yani, mahalluhu, comme a dit le shaykh, rahimahullah ta'ala, après qu'il ait levé sa tête du ruku' et qu'il ait dit Rabbana wa lakal hamd, à partir de ce moment-là, dans la dernière partie de prière, s'il est affligé au mu'min ou bien à la communauté dans laquelle il vit une difficulté, il est légiféré pour lui de faire cette du'a, ou plutôt de faire le qunut. Il est venu un hadith muttafaqun alayhi selon Asim ibn Sulayman Abu Abdurrahman al-Misri, dans lequel il nous fait part que al-qunut, il est avant le ruku'. Ce hadith-là, il est muttafaqun alayhi, lakin, comme on a pu le voir et le citer, c'est pas tout hadith qui est muttafaqun alayhi qui est forcément authentique. Il y a certains hadiths, et c'est une infime partie de hadiths dans les recueils de Bukhari et Muslim qui ne sont pas authentiques. Comme a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, après qu'il ait fait de maintes révisions de son livre qui s'appelle Ar-Risala, un kitab dans l'Usul. Il a révisé plus de 7 fois, et à chaque fois qu'il révisait, il rectifiait des choses. Ensuite, il a approuvé qu'il n'y a que le kitab d'Allah Azzawajal qui est exempt de fautes, qui est parfait. Donc, quoi que tu fasses, quoi que tu aies atteint dans le niveau, au niveau de la science, tu seras amené à faire des erreurs. Tu seras amené à faire des erreurs. Et ce n'est pas le fait de faire une erreur qui est une chose blâmable ou bien une chose qui est réprimandée. Lakin, c'est le fait de s'entêter dans l'erreur. On fait tous des erreurs, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou comme a dit Allah azza wa jal dans le hadith al-Qudsi, innakum tukhti'una bil-layli wa nahar. Vous faites des erreurs jour et nuit. Dans ce hadith-là, qui est muttafaqun alayhi, Asim, qui est un des élèves de Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, plutôt un des rapporteurs, nous dit: Sa'altu Anasan radiyallahu ta'ala anhu anil qunut. J'ai questionné Anas au sujet du qunut. Faqala Anas radiyallahu ta'ala anhu qabla ar-ruku'. Il lui a dit: l'endroit de faire le qunut, c'est avant le ruku'. Faqultu inna fulanan yaz'amu annaka qulta ba'da ar-ruku'. Une personne, un tel, m'a dit que tu avais prétendu que le qunut, c'est de le faire après le ruku'. Faqala kadhaba. Il lui a dit, il a menti. En fait, là, ce qu'il veut dire par mentir, t'as même, parce que c'est mentir dans la langue arabe, tu peux l'utiliser pour 3 choses. T'as même, pour tromper, c'est-à-dire lorsque tu évoques une chose, مثلاً, comme c'était le cas de Ibrahim, lorsqu'il a dit, lorsque ce tyran voulait faire une des choses qui ne sont pas légiférées sur sa femme, il lui a dit de dire à sa femme que tu es ma sœur. Dis que tu es ma sœur, car elle est sa sœur dans l'islam. T'as même. C'est une sorte de ruse, tamam. Et ça, c'est aussi appelé comme kadhib. Tamam. Ça, on peut l'appeler kadhalika dans l'oral arabien, al kadhib. Kadhalika, lorsque tu es en temps de guerre, tamam. Tu peux utiliser cette sorte de ruse, yani. Ils appellent ça, ça rentre aussi, ça s'appelle aussi du kadhib. Lakin, c'est pas du kadhib qui est réprimandé, tamam. C'est du kadhib qui est honorable, yani, dans les moments où tu en as besoin. Kadhalika. Comme dans le hadith avec, yani, tu peux mentir à ta femme, c'est-à-dire c'est pas tu lui mens totalement, lakin, yani, tu ruses, t'as-même, tu le fais croire dans des termes, t'as-même, que toi tu veux une chose, t'as intention d'une chose, et à travers tes termes, cette chose-là, elle englobe ton intention, lakin, dans la compréhension de cette personne-là, c'est une autre chose qui est contraire à ta compréhension. Ça, t'as le droit de le faire comme l'a fait Ibrahim, c'est-à-dire lorsqu'il lui a dit de sa femme que c'est ma sœur, lui lui a dit en vérité c'est sa sœur Fiddin, c'est sa sœur Fiddin, et cette personne-là a compris que c'était sa sœur, sa vraie sœur. Donc ça, c'est le kadhib que tu as droit, c'est un kadhib parmi les, c'est une sorte de mensonge parmi les mensonges. Kadhalika al-kadhib surra, c'est-à-dire lorsque tu dis une chose qui est contraire à la réalité. Ça, c'est une chose qui est madmoum, c'est une chose qui est réprimandable. Et l'autre, le ma'na de kadhib, ce qui évolue ici, c'est quoi? C'est le khata. C'est-à-dire qu'il s'est trompé d'une manière qui est vraiment grave. Il s'est trompé. Il n'a pas eu l'intention de le contredire ou bien d'évoquer une chose qui est contraire à la réalité. Laquelle il a fait une erreur qui est grossière, on pourrait dire. Il a fait une erreur qui est grossière. Donc le kadhib, il est utilisé pour ces 3 choses-là. Et c'est pas ce qui évolue ici, c'est pas que cette personne-là a menti sur Anas en disant une chose qui est contraire à la réalité. Lakin, ce qui est voulu par là, dans la parole de Anas, c'est que cette personne-là, elle a dit, ou plutôt, il lui a attribué qu'il a fait une erreur qui est grossière. Et ensuite, Anas ibn Malik a dit à cette personne-là, qu'il a questionné, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le qunut après le ruku'. Donc, regardez dans ce hadith-là, au début, il a dit quoi? Il a dit qu'il a été questionné, Anas, sur le ruku'. Et il a dit, le ruku', ou plutôt sur le qunut, il a été questionné sur le qunut, et il a dit, le qunut, il doit être fait avant le ruku'. Tamam. Hatta même, il a appuyé cela en disant que la personne qui a prétendu que j'ai dit que c'est après le ruku', cette personne-là s'est trompée. Tamam. C'est une erreur grossière qu'elle a faite. Et ensuite, il attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il évoque un hadith, Anas, dans lequel il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a quoi? Il a fait le qunut après le ruku'. Donc dans cette... Dans ce même hadith, il y a une contradiction. Dans ce même hadith, il y a une contradiction dans laquelle Anas dit que c'est avant le ruku' et ensuite il dit que le prophète le faisait après le ruku'. Les ulama, parmi les ulama des défauts des hadiths, ils ont jugé de ce hadith-là, même s'il est muttafaqun alayhi, tamam, comme a ذكر ذلك l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, ils ont tous réprimandé ce hadith-là et l'ont critiqué à Asim, c'est-à-dire la personne qui a été questionnée, il a été critiqué à cette personne-là, qu'il s'est trompé. Il s'est trompé, et hatta, ils ont appuyé cela en disant que les autres personnes qu'ils ont rapportées de Anas, en dehors de Asim, comme c'est le cas de Qatada et autres, ils n'ont pas évoqué que le Qunut, il était avant Rukou'. Donc, lorsqu'ils ont joint tous les versions qui ont été évoquées sur le Athar de Anas, ils ont pu voir que la majorité des versions, il était évoqué dans ces versions-là, que le Qunut, il était après Rukou'. Et dans une des versions, même si jamais elle est dans les recueils de Bukhari et Muslim, elle a été évoquée qu'elle était quoi? Avant Rukou'. Donc, ils ont jugé de ce hadith-là qu'il était quoi? Hadith dans lequel Yannick n'est pas authentique. Un hadith-là, il n'est pas authentique et c'est une erreur. C'est une erreur. Comme l'ont jugé la majorité des savants des défauts du hadith, les savants du Hilal. Certains de ulama, ils ont dit ce hadith-là, en vérité, ce qui est voulu dans le Qunut ici, c'est pas de faire des du'as contre un peuple ou bien pour un peuple. Lakin, c'est quoi? C'est le fait de se tenir debout, yani en humilité pour Allah Azza wa Jal. Comme on a pu le voir à travers la parole de l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, et il a pu évoquer que Al-Qunut, il avait plusieurs, tu pouvais l'utiliser dans plusieurs termes, plutôt il avait plusieurs sens. Et certains ulama, comme c'est le cas d'Ibn Qayyim, alayhi rahmatullah, ils n'ont pas osé juger de ce hadith-là qui n'est pas authentique. Lakin, ils ont dit, ce qui est voulu ici, c'est un autre sens que le faire des du'as pour un peuple. Lakin, ce qui est voulu par là, lorsqu'il lui a questionné sur le Qunut, en vérité, c'est qu'il lui a questionné à partir de quel moment la personne doit se tenir debout lentement, tamam, dans la prière, et il lui a dit avant le rukou', tamam. Lakin, wallahu a'lam, le hadith, yani yadhar, parce que lorsque tu vois le siyaq, c'est-à-dire dans le contexte dans lequel il a été évoqué, car il évoque ensuite Anas ibn Malik, radiallahu ta'anhu, que le prophète, il avait fait des du'as contre un peuple. Donc ce qui est voulu, wallahu a'lam, dans le sens du Qunut ici, c'est des du'as contre le peuple, ou tamam, contre un peuple qui subit, ou plutôt qui fait subir l'oppression, ou plutôt qui opprime, tamam, un autre peuple. Donc ce hadith-là, il n'est pas authentique. Donc ce qui est as-sahih, c'est que tu dois faire le Qunut après le recours, dans la dernière unité de prière, comme les hadiths le prouvent, et comme le prouve le hasard de Abu Hurayra, lorsqu'il a prié, il a attribué les gestes et faits qu'il a fait dans cette prière-là au prophète alayhi salatu wasalam, en disant, je vais faire la même chose que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans lequel il a fait quoi? Ad-du'a après le recours. Il a fait le Qunut après le recours dans la dernière unité de prière. Donc ça, c'est l'avis qui est sahih. Ensuite, est-il légiféré, ça c'est une chose qu'on ajoute, est-il légiféré pour cela de demander au gouverneur la permission de pouvoir faire le Qunut? Est-ce que c'est une chose qui est conditionnée ou pas? Certains ou certaines personnes ont pu entendre de certaines personnes que c'est une chose qui est conditionnée. Tu n'as pas le droit de faire le Qunut selon les dires de certaines personnes, qu'à partir du moment où tu as demandé la permission au gouverneur. Tu as un gouverneur, bien sûr, musulman, dans les terres de Kuffar. Si jamais tu demandes, j'ai le droit de faire le Qunut après la prière, il va te demander, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Donc là, on parle, il y en a des états musulmans, tu es même dans l'état de l'islam. Certains ont prétendu cela. La question en sahih, c'est que si c'est préférable de le demander, car ça montre, il y en a que tu observes avec le gouverneur, il y en a une bonne conduite. Lakin, est-ce que c'est une chose qui est demandée ou pas de faire? Non, ce n'est pas une chose qui est demandée de faire, car rien, il n'y a rien qui nous prouve cela. Il n'y a rien qui prouve cela. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez dans le suivi du prophète, il y en a un bon exemple à suivre. Donc, Nabi Sussalam, il l'a fait à partir du moment où il voulait faire des du'as pour un peuple ou contre un peuple. Donc, à tel cas, il a légiféré dans les mêmes cas, lorsque un peuple est touché par une difficulté, de faire des du'as afin qu'Allah Azza wa Jal élève l'épreuve dans laquelle ils sont. Ou bien faire des du'as contre ce peuple, le peuple, il y en a qui opprime le peuple des musulmans. Il n'y a rien qui prouve que c'est conditionné. C'est-à-dire, lorsqu'il dit que c'est conditionné, c'est-à-dire que si jamais tu le fais, tu t'es contredit à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut un ordre. Afin de pouvoir juger d'une chose qu'elle est une condition, il faut au moins qu'il y ait un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne connaît pas des recueils des hadiths qu'il a été évoqué que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait ordonné cela. Donc comment ils peuvent juger d'une condition à travers les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc vraiment ça prouve que cette preuve-là, plutôt cette parole-là, elle est distante de toute vérité. Et kadalika, comme c'est ma'rouf dans Kutub al-Usul, dans les Kutub de fondement de la jurisprudence, comme l'a évoqué le Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah, dans le Nadm al-Waraqa, dans le poème de Al-Waraqa, c'est un épître dans lequel il évoquait les fondements de la jurisprudence. Cheikh Al-Uthaymin alayhi rahmatullah, il évoquait qu'à partir du moment où plutôt que Nabi sallam, lorsqu'il fait une chose, cette chose-là, elle est quoi? Elle est légiférée pour toute la communauté, à partir du moment qu'il n'y a aucun dalil qui prouve que cette chose-là, elle est quoi? Spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallam, c'était quoi? C'était le gouverneur, à l'époque dans laquelle il était. C'était le gouverneur. Et ils disent qu'au fait, Nabi sallam, c'est lui qui a fait. Donc le fait qu'il a fait, c'était lui le gouverneur. Donc tu peux le faire que si le gouverneur, il te donne la permission. Et ça, c'est une compréhension qui est fausse. Car, comme on a pu le voir, à Walen, il n'y a aucun ordre qui prouve cela. Afin de pouvoir extraire des textes, il n'y en a que c'est quoi? Une condition. Deuxièmement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait une chose, cette chose-là, elle est quoi? Elle est légiférée à toute la communauté à partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve que c'est précisé. Donc là, il n'y a rien qui prouve que c'est précisé, ou plutôt que c'est spécifié à quoi? Au gouverneur. Il n'y a rien qui prouve que c'est spécifié au gouverneur. Lakin, c'est ram. Tamam, c'est ram. C'est ram, c'est global, car il n'y a rien qui prouve l'inverse. Tamam. Donc yani, ce call là, il n'est pas, c'est pas un call qui est sahih, qui est authentique. Comme c'était le cas de Arafat, alayhi min Allah, il yastahiq. Yani ce membre parmi les membres du Hizb al-Jadid, tamam, cet ignare là, il avait pu à un moment où, dans le deuxième hisar, lorsque les gens de Maj étaient dans la difficulté, il n'a trouvé rien d'autre que venir faire sa petite tournée au Yémen, tourner dans les mosquées d'Aden et dire que ce n'était pas légiféré de faire Al-Qunut pour les gens de Dammaj. C'est vraiment un menteur. Il ment sur le prophète, alayhi salam. Cheikh Al-Fawzan, et je pense qu'il y a un Cheikh Al-Uthaymin, il dit c'est mieux. C'est mieux que tu demandes la permission. Lakin, est-ce que c'est conditionné? Il n'y a aucune preuve qui prouve cela. Donc là, on a pu voir, et tout ces jugements-là qu'on a pu le voir, c'est lorsque quoi? Lorsque une difficulté, il y en a tombe sur la majorité des musulmans, sur les musulmans. Ensuite, est-ce qu'il est légiféré de faire Al-Qunut de manière continue lorsqu'il n'y a pas de difficulté qui est observée, ou plutôt qui est observée sur une communauté parmi la communauté des musulmans? Comme c'est le cas, il y en a dans certaines mosquées, tu trouves des personnes qui font tout le temps Al-Qunut. Le gouverneur, il a augmenté le prix du sel, khalas, Qunut. Il a augmenté un peu le gasoil, Qunut. Non, c'est un truc, c'est une shidda. Il y a des gens, ils ont un peu, ils exagèrent, de mesure un peu dans certaines manières de juger. La question sahih, c'est que le Qunut, il est légiféré que lorsque quoi, comme l'a évoqué à peu près Cheikh Al-Albani, lorsque tu as quoi, les nazila, lorsqu'il y a une épreuve qui touche, il y a une difficulté qui touche les musulmans. Ah, si jamais tout va bien, il n'est pas légiféré de faire cela. Et ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et kadalika des khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Ce qui nous prouve cela, hadith Anas ibn Malik, qu'il n'est pas légiféré de faire cela à partir du moment où le calme est observé dans la communauté, et la paix et la tranquillité. Hadith Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, anna al-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qanata shahran thumma tarakah, muttafaqun alayh. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait al-qunut un mois complet, ensuite il l'a délaissé. Donc il nous montre bien, ce hadith-là nous montre bien qu'il a délaissé ces choses-là. À partir du moment qu'il a vu, il n'y avait plus besoin de faire le qunut. À partir du moment qu'il a vu que la difficulté, elle était levée. Et quand il y a le hadith Sa'd ibn Tariq al-Ashda'i, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il a été dit, « Qultu li abi, innaka sallayta khalfa rasulillah, wa Abi Bakr wa Umar, wa Uthman wa Ali, afakanu yaqnutuna fil fajr. » Donc ce fils a dit à son père, tu as pu avoir la faveur de pouvoir prier derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Umar, Uthman et Ali, les quatre califes. Est-ce que ces personnes-là faisaient le qunut lorsqu'ils n'avaient pas la difficulté dans la salade de Fajr? Il a dit, qala ay bunay muhdath. Il a dit, mon petit, faire cette chose-là, c'est une chose innovée. Ce hadith-là, il a été évoqué, il a été rapporté par les Khamsa, c'est-à-dire Ashab al-Sunan, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidhi, Ibn Majah et Kadalika, l'imam Ahmed. Et ce hadith-là, il est de la même, du même degré d'authenticité que les hadiths de Muslim. Donc de ce hadith-là, il est montré, il y en a clairement que faire ces choses-là, c'est une chose qui est muhadath, qui est innovée. Car ni le prophète, et ni, sallallahu alayhi wa sallam, ni Kadalika, les quatre califes, n'ont fait ces choses-là et n'ont pas observé. Donc il ne faut pas le faire, il ne faut pas l'observer. Il y a un hadith qui est venu, qui est da'if jiddan, qui n'est pas authentique, dans lequel il a été dit ou prétendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait al-qunut, yani toujours, tout le temps il faisait le qunut jusqu'à ce qu'il est mort. Et ce hadith là, yani, il n'est pas authentique. C'est un hadith qui est da'ifun jiddan et qui est contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qu'on a pu l'évoquer. Annabi sallallahu alayhi wa sallam thumma taraka, il a fait le qunut un mois complet, ensuite il a délaissé. Et Kadalika, dans le hadith qu'on a pu évoquer à l'instant, dans lequel il est évoqué que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni Kadalika, al-khulafa al-arba, ils l'ont fait. On a besoin de dire alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Donc, yani, appliquez-vous, attachez-vous à ma sunna et à la sunna des quatre califes. Donc les califs ne l'ont pas fait, et ni Kadalika le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci nous montre vraiment que cette chose-là, elle est vraiment, c'est une bid'a. C'est de le faire de manière continue, que ce soit qu'il y a une difficulté ou pas, ou plutôt il y en a lorsqu'il n'y a pas la difficulté de faire de manière continue, ça c'est une chose qui n'est pas la yajouz, c'est même la yajouz. قال الشيخ رحمه الله تعالى وليس له دعاء راتب وإنما يدعو فيه بما يناسب بما يتناسب مع النازلة. Il nous dit que dans Al-Qunut, qui est fait lorsqu'il y a une difficulté, il n'y a pas une dua qui est spécifique à observer. Lakin, tu dois faire une dua qui est conforme, yani, à la situation dans laquelle yani, la personne allait. Et ce qui est bon, même si jamais, comme l'a dit Cheikh, rahimahullah ta'ala, il n'y a rien qui spécifie une dua bien spécifique à ce moment-là, lakin de faire des du'as qui englobent celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait fait. C'est-à-dire de demander le secours pour les affaiblis et de demander yani, que touche les personnes qui oppriment les affaiblis une disette ou bien une grande épreuve dans leur vie, comme ils veulent eux faire subir aux musulmans la difficulté. Donc que la difficulté kadalika les touche. Tu fais des du'as contre eux. Et Kadalika, comme on a pu voir, à travers le athar de Abu Harayra, radiallahu anhu, qui faisait des du'as pour les mu'mines et qui maudissait les kuffars. Donc, maudire Kadalika, al-kuffar, c'est même. N'am. Qala rahmahullahu ta'ala, wa yarfa'u yaday fi hada du'a. Il dit, il a légiféré Kadalika pour al-qunut de lever les mains. N'am. Comme il a dit, ceci est légiféré et c'est recommandé de faire cela. Comme le prouve le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala fa ma ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wajada 'ala shay'in qatt wajadahu 'alayhim fa laqad ra'aytuhu kullama salla al-ghadah rafa'a 'alay fa da'a 'alayhim. Et ce hadith il a été évoqué par l'imam, rapporté par l'imam Ahmed, d'une chaîne de transmission qui est du même degré d'authenticité que les hadiths de l'imam Muslim. Donc de ce hadith là il est évoqué que nous fait part Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était dans un moment de colère et il nous dit kadhalika, je n'ai pas trouvé une colère semblable à la colère que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a observé avec les gens sur lesquels il faisait des du'as. Il a dit j'ai pu le voir faire des du'as sur ces personnes là à chaque fois qu'il priait salat al-fajr et il levait les mains pour cela. Donc le fait qu'il a levé les mains, donc ça nous prouve que c'est une chose qui est légiférée. Et Kadalika, il a été rapporté des Sahaba, parmi les Sahaba de Ibn Abbas et Kadalika de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait cela. Hatta, yani, il a été évoqué de l'imam, ou plutôt Naam, de Ibn Abu Shayba, si mes souvenirs sont bons, que Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, كان يبالغ في ذلك. كان يرفع يدي مدا, أي يبالغ في ذلك. Que Umar ibn al-Khattab, lorsqu'il faisait le Qunut, il levait ses mains, yani, il tendait ses mains pour nous dire qu'il est levé vraiment ses mains de manière très haute. Yubal, on fait d'alika, comme a dit le Cheikh Mohamed ibn Hizam, hafizahullah ta'ala. Donc il est légiféré de lever les mains et il est bien de lever les mains ou de tendre les mains vers le ciel pour cela, comme l'a fait Omar, radiallahu ta'ala anhu. En tout cas, la sunnah, c'est de lever les mains. Et si jamais tu tends les mains comme l'a fait Omar, eh ben, y a rien qui, on ne peut te critiquer cela. Cheikh n'a pas évoqué ta'min, c'est-à-dire de faire le fait de dire amin. L'imam, il fait des doigts et ceux qui sont présidés, ils disent amin après chaque doigt. Donc ceci, kazalika, c'est une chose qui est légiférée. Pourquoi? Pour ceux qui sont présidés. Comme cela a été authentifié, rapporté selon Ibn Khazayma, ou plutôt rapporté par Ibn Khazayma selon Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يده على حي من بني سليم ورعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. Et dans ce hadith là, il a été dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait al-qunut un mois consécutif dans toutes les prières, le dhahr, al-asr, dans le maghrib, dans l'isha et dans le subh. Donc ceci nous prouve que le qunut, tu le fais dans toutes les prières. Dans toutes les prières, il est légiféré de faire le qunut. Et dans ce qunut-là, les personnes qui étaient derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient des du'as à chaque fois qu'ils faisaient des du'as contre les tribus de Bani Sulaym et de Ri'an et Kazalika Zakwan ou Asiya. Donc, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a approuvé cela, et c'est ma'ruf, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il approuve une chose, ça fait de cette approbation qu'elle est quoi? Une sunnah taqririya, une sunnah d'approbation. Donc il est légiféré de faire cela. Comme il est légiféré de faire Al-Qunut à chaque prière. Et ce hadith-là, il est authentique, authentifié par Cheikh Mohamed ibn Hizam, hafizahullah ta'ala. Qala rahmahullah ta'ala, fa'idha faraha kabbara wa sajada. Et lorsqu'il a fini de faire des du'as, donc il fait le takbir, et ensuite il va quoi? Il va en sujoud. Et le fait de takbir-là, c'est ma'ruf, c'est le takbir intiqal, et c'est un takbir qui est obligatoire, comme on a pu le voir dans les cours précédents. Et ensuite, il fait sujoud et il a khirihi. Et on a pu voir, kadhalika, la description de ce qui vient après le ruku'. Qala alayhi rahmatullah, qunut al-witr wa mahalluhu wa sighatuhu. Donc là, il va passer à un autre qunut, qui est le qunut que tu dois faire, ou plutôt qui est annexé à la prière du witr. Quand est-ce que tu dois le faire et quelles sont les formules qui doivent être dites? قال رحمه الله تعالى أما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا. Dans ce hadith, ou plutôt dans ce paragraphe là, il dit que le qunut dans le witr, yani, il est légiféré de le faire de temps en temps. Il est légiféré de faire cela de temps en temps. Donc on peut voir à travers la parole de Cheikh Al-Uthaymeen, plutôt Al-Albani, que c'est une chose qui est recommandée et de temps en temps, que tu peux délaisser et que tu peux faire de temps en temps. Le hadith qui nous prouve cela, ou plutôt qui prouve la parole du Cheikh, hadith al-Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu, qui est le fils de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala, allamahu, ou anna Nabi sallam allamahu, kalimatin yaquluhun, fi kunut al-witr. Anna Nabi sallam lui a enseigné des kalimat, des paroles qu'il doit dire dans le witr, tamam, dans le kunut du witr. Et ces paroles sont ma'ruf, yani Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi ma tawallayt, wa barikli fi ma atayt, wa qini sharra ma qadayt, fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, innahu la yadhillu man walayt, innahu la yadhillu man walayt, tabarak rabbana wa ta'alayt. La formule qui est évoquée pour cela. Ama innahu la ya'izzu man adayt, ça c'est dans un autre hadith. Donc ce hadith-là, il a été rapporté par Al-Khamsa, c'est-à-dire Ashab al-Sunan et l'imam Ahmed, dans une chaîne de transmission qui est d'apparence authentique. Cheikhana, donc dans ce hadith-là, il est clair et net, évident, qu'on peut déduire de ce hadith-là qu'il est légiféré de faire le qunut dans l'huitr. C'est-à-dire de faire le qunut dans l'huitr, c'est-à-dire dans salat al-huitr. On ne parle pas de lorsqu'il y a une épreuve ou pas, on parle yani, de salat al-witr, la nuit. Donc de ce hadith-là, Nabi Sassam, il a enseigné à Hassan ibn Ali, radiyallahu anhuma, qu'il devait dire ces paroles-là qu'on a pu évoquer dans le qunut. Donc ce hadith-là, d'apparence, tu as le droit de le faire. Lakin, comme l'a évoqué Cheikh Mohamed ibn Hizam, que ce hadith-là, et les rapporteurs, ils ont divergé. Ils ont divergé sur un rapporteur qui s'appelle Buraid ibn Abi Maryam. Certains d'entre eux, qui ont rapporté le hadith de cette personne-là, ils ont évoqué quoi ? Al-Qunut. Et certains d'entre eux n'ont pas évoqué Al-Qunut. Donc dans certaines versions, Al-Qunut l'a été évoqué, et dans certaines versions, le Qunut n'a pas été évoqué. Donc lequel de ces deux versions-là, on doit faire précéder ? La version dans laquelle il n'a pas été évoqué que cette dua-là, elle a été, que Nabi Sassam lui a enseigné cela dans le Qunut, ça a été rapporté par des rapporteurs qui sont mieux qualifiés que ceux qu'ils ont rapporté que cette dua-là, Nabi Sassam lui a enseigné de le faire dans le Qunut du Witr. Donc comme c'est ma'aruf dans la science du hadith, à partir du moment où deux versions se contredisent, on doit regarder laquelle des deux on doit faire précéder à l'autre. On a pour cela de regarder dans la biographie des rapporteurs et de voir de quelle manière ils ont été qualifiés. Si jamais un groupe d'eux est mieux qualifié que l'autre, on doit faire précéder c'est ma'ruf, yani la personne qui est mieux qualifiée dans la mémorisation à l'autre personne, ou plutôt au deuxième groupe. Ou si jamais ils sont du même d'une même qualité de qualification plutôt dans la mémorisation et autres, on regarde yani au niveau du nombre. Donc là, la version dans laquelle il n'a pas été évoqué que Nabi Sallam lui a enseigné cela dans le Qunut, cette version-là, elle est beaucoup plus authentique que l'autre version. Elle est beaucoup plus authentique que l'autre version, car les rapporteurs de ce hadith-là, dans cette chaîne de transmission-là, ils sont mieux qualifiés que dans notre chaîne de transmission. Hatta yani, comme l'a évoqué l'imam Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il a dit, je vois que la version dans laquelle il a été évoqué que Nabi Sallam il a enseigné cela à Hassan ibn Ali pour le Qunut, il dit cette version-là n'est pas juste. Même cette version-là n'est pas juste. Et les rapporteurs qui sont évoqués dans la version dans laquelle il n'a pas été évoqué cela, ce sont des personnes qui sont mieux qualifiées que les rapporteurs qui ont été évoqués dans l'autre version. Falkhulasa wallahu alam, ce hadith-là est authentique, comme l'a évoqué Cheikh Mohamed bin Hizam, lakin sans l'ajout que le prophète lui a enseigné cela pendant le witr. C'est-à-dire que là, on n'a aucun hadith qui nous prouve que Nabi sallam lui a enseigné cela, de le faire pendant le witr, elle connaît pendant le witr, donc on ne peut pas légiférer, comme c'est ma'ruf, à la Ummah, une chose que Nabi sallam il n'a pas quoi, il n'a pas légiféré. Donc, pour résumer, c'est la parole de Cheikh Al-Albani, Amma al-Qunut fil witr. Fayushra ahyanan, yani il est légiféré de le faire de temps en temps. On n'a pas de dalil qui nous prouve cela. Ou plutôt, on a un dalil, lakin ce dalil-là, il est da'if. Il est da'if, il n'y a rien qui prouve que ça a été fait ou que ça a été enseigné dans le Qunut, pour le Qunut du witr. Donc, à partir du moment qu'il n'y a rien qui prouve cela, on ne peut se permettre de pouvoir juger que c'est une sunna ou qu'il est recommandé de le faire de temps en temps ou pas. Car il n'y a aucun dalil qui nous prouve cela. Donc il y a le jugement de cette mas'ala, comme on a pu le voir, rien n'est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était une personne qui était assidue dans le qiyam al-layl, qui priait tout le temps la nuit, jusqu'au point où se fissuraient ses pieds. Aucun des rapporteurs, ni Aïcha, ni aucune de ces femmes n'ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui faisait le qunut dans le witr, dans le qiyam al-layl. Certains des ulama, ils ont dit c'est légiféré de faire cela, car certains des sahaba, ils l'ont fait. Non pas parce que ça a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin parce que certains des compagnons l'ont fait, comme c'est le cas d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui faisait toujours al-qunut dans le witr. Dans le witr, il faisait toujours al-qunut. Et kathalika, ça a été authentifié d'Ibn Mas'ud, et kathalika de Ibn Umar radiyallahu anhu. Et kathalika, il le faisait dans la dernière moitié du mois de Ramadan. Il faisait le Qunut dans la dernière moitié du mois de Ramadan. Et kathalika, Ka'b, ou plutôt Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhuma, kathalika, il a été authentifié de lui qui faisait cela. Donc, yani, certains des ulama voient qu'il est bon de faire le Qunut, non parce que ça a été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que ses sahaba, et surtout Ibn Mas'ud et qui nous dit qui est Ibn Mas'ud, il avait l'habitude de faire cela, yani de manière continue, il avait l'habitude de faire cela de manière continue. Et ils ont dit par rapport à cela, donc yani la personne qui le fait, on ne peut se permettre de juger qu'il a fait une bid'a ou autre, car certains des sahaba le faisaient, et devant la présence d'autres sahaba. Donc même si jamais ça n'a pas été authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut réprimander une personne qui le fait, qui fait le qunut dans la nuit, car ni certains sahaba l'ont fait, on ne peut se permettre. Mais la personne qui ne fait pas cela, tu ne peux pas parler sur lui, car il te dira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela. Et kama huwa ma'ruf la yu'badullah illa bima shara, tu ne peux adorer Allah azza wa jal que par les choses qui ont été légiférées. Donc la vie est plus épanche et la vérité est dans la main de ceux qui disent qu'il n'est pas légiféré de faire cela, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Et la législation d'une chose, elle n'est pas à travers les faits et gestes des sahaba, lakin à travers celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lakin le fait qu'ils l'ont fait, on ne peut se permettre d'avoir une dureté et de blâmer de manière dure les personnes qui le font. Donc madame, à partir du moment que rien n'a été authentifié, c'est mieux de ne pas le faire, et celui qui le fait de temps en temps, et puis il aura, yani, pour exemple pour cela, as-sahaba al-karam radiyallahu anhum. Hatta yani, il a été évoqué, authentifié d'Ibn Umar, lorsqu'il lui a été posé la question sur le qunut pendant le witr, il a dit ma a'rif illa tul al-qiyam. Lorsqu'il lui a été dit, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il a été questionné au sujet du witr. Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, je ne connais pas le witr, le kunut dans le witr, excepté si jamais tu vises par là le fait de se tenir longtemps et aller debout. Donc il a réprimandé cela. Et c'était ma'ruf, il le faisait pendant la dernière moitié de Ramadan et non pas dans les autres mois de l'année. أما محل القنوت قال رحمه الله تعالى ومحله قبل الركوع خلافا للقنوت النازلة. شيخ الألباني nous dit que le qunut, l'endroit, yani le qunut du witr, l'endroit où il doit être fait, c'est avant le ruku', avant le ruku'. Il nous dit c'est une chose qui est contraire à quoi? Le qunut qui est fait pourquoi? Dans les moments de difficulté. Lakin yani, il y a un hadith qui a été évoqué pour cela, et le hadith yani, comme l'ont évoqué les ulama, comme on a pu le voir à travers le hadith la version de Asim, que ce hadith là yani, comme l'a évoqué l'imam Ahmed, c'est un hadith yani, qui est totalement faux. Et quand le Cheikh Yahya hafizahullah ta'ala, il dit que tous les hadiths dans lesquels ils sont évoqués que Anabi sallallahu alayhi wa sallam faisait le qunut avant le ruku', tous ces hadiths là il a dit Cheikh Yahya, ils sont tous faibles. Quand le Cheikh Abu Amr al-Hajouri hafizahullah ta'ala, il m'a fait part que les hadiths qui sont le plus authentiques, c'est celui qui a été évoqué par Hassan ibn Ali dans le Kanab. Il voit dans le Kanab, il disait, ou plutôt l'enseigner de dire, Allahumma hadini fi man hadait ila akhirihi. Et amma les autres hadiths dans lesquels il a été évoqué que al-qunut a été fait après le ruku', ou plutôt comme le ruku', avant le ruku', ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Ce sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Donc le fait de le faire avant le ruku', ce n'est pas légiféré. Il faut le faire après le ruku' pour la personne qui veut le faire. Pour la personne qui voit que c'est légiféré de le faire. Dans le witr, il doit le faire après le ruku' et non pas avant le ruku', comme l'a prétendu Cheikh Al-Albani, alayhi rahmatullah. Il s'appuie sur un hadith qui a été évoqué par Ka'b ibn Malik, lakin ce hadith-là, ou plutôt Ubay ibn Ka'b, le hadith il n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique. Qala rahimahullah ta'ala wa yad'u fihi bima ya'ti. Allahumma hadini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawalani fi man tawallayt. وباركني فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لم منج منك إلا إليك. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit que dans le witr, dans le qunut du witr, il est légiféré de faire cette dua là. Et Cheikhuna Muhammad plutôt Abu Amr Al-Hajouri hafizahullah ta'ala, il nous a dit yani que il est légiféré de faire ce que a été évoqué dans le hadith de Hassan ibn Ali, ce qu'on a pu évoquer auparavant, qui est à peu près semblable au texte qui a été évoqué ici, sauf que il n'a pas été ajouté wala manja minka illa ilayk. La manja minka illa ilayk, ça c'est des choses qui ont été attribuées à certains des sahaba, et il n'y a rien qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a enseigné de dire cette dua là, la manja minka illa ilayk. Donc on va traduire à peu près yani ces doigts là, yani Allahumma hadini fi man hadayt, yani guide-moi dans les, parmi les personnes que tu as guidées, et naam épargne-moi du mal que tu as épargné, de ceux que tu as épargné. On va traduire ça comme ça, afwan. Wa tawallani fi man tawallayt, et demande qu'Allah azza wa jal il s'occupe de lui et qu'il le prenne en considération et qu'il le bénit. Wa barik li fi ma ataayt, qui bénissent les choses dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, et qu'il lui épargne le mal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. C'est toi qui décrètes et on ne peut décréter sur toi. Jamais ne sera humilié la personne à laquelle tu te seras occupé. Et celui que tu as fait part d'hostilité, il ne trouvera aucune renommée que l'humiliation. Béni sois-tu et très haut. Donc ça c'est ce qui est légiféré de faire pour ceux qui voient que c'est légiféré, ou bien ceux qui voient que ce n'est pas légiféré, lakin qui voient que c'est bien de faire, car certains de sahaba l'ont fait, lakin wallahu alam c'est mieux de s'en tenir à le faire yani pendant le dernier tiers, ou plutôt les dernières moitiés de Ramadan, car ça a été fait devant, devant l'assemblée, une assemblée de sahaba, ils n'ont pas réprimandé cela, à mal le faire tout au long de l'année. Et si tu le fais, il y a un exemple dans cela qui est Ibn Mas'ud, là qu'il c'est mieux de se contenter de délaisser cela, car il n'y a rien qui prouve cela. Il y a des hadiths dans lesquels il est évoqué qu'il est légiféré de faire quoi? La salat, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là qu'il rien ne prouve cela. Rien ne prouve cela. Donc il faut s'en tenir à ce qui a été évoqué cela, sans ajouter wala man jaminka ila ilayk, ça tu ne le rajoutes pas. Tu t'en tiens et tu t'arrêtes à quoi? Tabarakta rabbana wa ta'alayt. قال رحمه الله تعالى وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه فتجوز إنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى tel est le dua que Nabi Sallam il a enseigné. Donc il prend par rapport au hadith dans lequel on a pu voir que la version vérité n'est pas quoi, elle n'est pas authentique. قال فلا يزاد يعني dans le qunut, لكن si jamais tu le fais نعم في سجود إلى آخره, t'as le droit, tamam, dans la prière tu as le droit, car il a enseigné cela يعني de manière générale. قال وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه. Donc yani, il nous dit qu'il faut s'en tenir à ce que il a été enseigné ici. Il la salat alayhi fatajuz. Il nous dit tu as le droit de rajouter la prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم يثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. Car un certain des sahaba, il a été authentifié de certains sahaba qui l'ont fait. Lakin comme on a pu le voir, yani ou plutôt inham, le fait que Nabi sallam il n'a pas évoqué cela, c'est mieux de s'en tenir à ne pas évoquer la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, telle est la fatwa de Cheikh Abu Amr hafizahullah ta'ala. Rien n'a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le fait de prier sur lui pendant al-qunut, même si jamais ça a été évoqué de certains sahaba, c'est mieux de s'en tenir à ne pas le faire. قال ثم يركع ويسجد سجدتين كما تقدم. Ensuite il fait yani ce qu'il doit faire après, les choses qui doivent être observées après al-ruku', tamam, après al-ruku'. Inch'Allah on va le continuer, lakin là une heure à faire de cours, inch'Allah on va pas, on va se contenter de cela. On va se contenter de cela et la suite, Inch'Allah, dans un prochain cours. Et ce sera, Inch'Allah, dans quel jour? Vendredi. Vendredi, Inch'Allah, on poursuivra la lecture. S'il y a des questions, Inch'Allah. Sinon, on se contente de cela. On se contente de cela. Afaykum barakallah. Wa iyyakum, Inch'Allah, ajma'in. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.